l'épidémie de Covid-19 et les maladies émergentes, le cerveau, l'antibiorésistance, le cancer, la veille sanitaire, les podcasts de l'Institut Pasteur, une série de 5 podcasts pour faire le point sur la recherche et ses avancées. À retrouver sur toutes les plateformes à l'occasion du Pasteur Don. Près de 40 ans que la médaille d'or du CNRS n'avait pas été décernée à l'astrophysique ou à la cosmologie. La dernière fois, c'était en 1983. Evry Schatzman, qui s'avère avoir été le directeur de thèse de la lauréate de ce prix 2020, qui est par ailleurs seulement la 6e femme à recevoir cette récompense contre 67 hommes. Et comme par ailleurs, elle est une habituée de la première heure du micro de la méthode scientifique, c'est avec une immense joie et une grande fierté que nous accueillons pour une heure entière de discussion la médaille d'or 2020 du CNRS, Françoise Combe. Françoise Combe, notre invitée spéciale pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et bonjour Françoise Combe. Bonjour. Grand merci d'être avec nous. Félicitations. Merci. Pour votre médaille d'or de la part de toute l'équipe de la méthode scientifique. Et je suis sûr de très nombreuses auditrices et de très nombreux auditeurs. Nous allons parler de vos travaux, de votre parcours de chercheuse tout au long de cette heure. Mais comme vous le savez, tout cela, ce sera après le point quotidien sur l'actualité scientifique du jour dans le Journal des Sciences de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Puisqu'hier était une journée spéciale à l'antenne de France Culture, c'est aujourd'hui que nous revenons sur le prix Nobel de chimie 2020 qui a donc été décerné hier à deux femmes, l'américaine Jennifer Doudna et la française Emmanuelle Charpentier, que l'on écoute. The CRISPR-Cas9 has molecular scissors that can be programmed. CRISPR-Cas9, ce sont des ciseaux moléculaires qui peuvent être programmés. DNA, cleavage. And by then, pour reconnaître certaines séquences d'ADN, les couper et déclencher un mécanisme d'ingénierie génétique. These molecular scissors can rewrite the code of life. Ces ciseaux moléculaires peuvent réécrire le code de la vie. Le génome est le support de ce code de la vie et il peut être, d'une certaine façon, comparé à un livre avec des phrases et des mots. And what CRISPR-Cas9 does as molecular scissors, it works like a software. Les ciseaux moléculaires de CRISPR-Cas9 fonctionnent comme un logiciel qui peut reconnaître une phrase dans un texte ou certains mots dans un texte et peut soit changer les lettres dans un mot, soit corriger un mot, corriger une phrase, ou encore éliminer une phrase ou éliminer un mot. On peut, de cette façon, changer le sens du texte ou le sens d'une phrase. Voilà ce que font les ciseaux moléculaires sur le génome des cellules ou des organismes. Voilà, hein, l'histoire de CRISPR-Cas9, hein, c'est une histoire qui est allée très très vite. Les deux généticiennes ont publié leur découverte dans la revue Science en 2012, il y a moins de 10 ans. Depuis, hein, cette technique a complètement bouleversé la façon dont on fait de la recherche et cet outil reste largement utilisé pour trouver de nouveaux médicaments contre le cancer, contre des maladies génétiques, le VIH ou encore contre le vieillissement cellulaire. À la base de cette découverte, en 2006, Emmanuelle Charpentier, qu'on écoute à l'instant, mène des travaux de recherche fondamentale. Des recherches sur des bactéries et sur leur système immunitaire. Comment certaines se défendent face à des virus. Elle découvre que ces bactéries conservent dans leur propre ADN de l'ADN de virus pour l'utiliser plus tard contre de futures attaques. Puis, avec l'experte en ARN, Jennifer Doudna, elles comprennent que ces bactéries utilisent une molécule qui cible et qui tranche le matériel génétique viral, l'enzyme Cas9. Sophie Sakimora est chercheuse du CNRS au laboratoire de biochimie théorique. Attention, tendez l'oreille. La bactérie va utiliser une protéine donc après qui s'avérait être Cas9, donc c'est une endonucléase, c'est une protéine qui a pour fonction de couper l'ADN, et en fait, elle va la programmer pour aller attaquer le matériel génétique, l'ADN viral. Donc notamment en, en la couplant avec un petit fragment d'ARN, et le CRISPR dans le nom du modèle, donc CRISPR-Cas9, c'est le coupage d'un petit fragment d'ADN, cette petite séquence qu'on a appelée CRISPR, et Cas9, la protéine. Et en fait, cet ARN va un peu tenir d'ordre de mission, tout tient lieu d'ordre de mission à la protéine, parce que ça va lui dire le type de séquence qu'elle va aller découper. CRISPR-Cas9, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, c'est du, dans l'ingénierie génétique, que c'est du biomimétisme? Alors, oui, parce qu'en fait, on a acquis, voilà, ça n'a pas inventé le principe. On a découvert, c'est les bactéries qui ont fait tout le travail, on va dire, d'ingénierie, d'évolution. Et aussi, ça, pour prendre la mesure, pourquoi c'est une invention assez fascinante, c'est qu'il faut imaginer qu'en fait, les techniques d'édition du génome existaient déjà il y a une dizaine d'années, mais c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, pour aller éditer une séquence, il fallait une protéine spécifique. Donc, il fallait une endonucléase spécifiquement adaptée à la, voilà, à la séquence d'ADN qu'on souhaitait découper. Donc, c'était un peu des endonucléases à usage unique. C'était long et coûteux d'aller les fabriquer. Là, avec CRISPR-Cas9, on a une protéine qui va servir à découper des séquences à plein de droits différents. Ça a complètement bouleversé la façon dont on travaille dans les labos. C'est allé tout d'un coup beaucoup plus vite et beaucoup moins cher. Voilà, pour tout comprendre à CRISPR-Cas9, on vous a mis le lien sur notre fil Twitter vers l'émission entière que nous y avions consacrée. C'était le camarade Olivier Lascar qui était aux commandes à l'époque. C'est sur le fil Twitter, donc @lamethodefc, et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. On passe au bref. Les eurodéputés viennent de voter la loi climat avec l'objectif de réduire de 60% les émissions de CO2 d'ici 2030. Et pour le Parlement européen, l'objectif est de respecter ses engagements dans l'accord de Paris et à plus long terme, que l'Europe atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. Le texte prévoit que chaque État membre atteigne la neutralité climatique. Il envisage des financements pour soutenir cette transition écologique. Les eurodéputés ont aussi prévu la mise en place d'un Conseil européen du changement climatique, le CECC, ainsi que la suppression progressive des subventions directes et indirectes aux combustibles fossiles d'ici 2025. Et pendant ce temps-là, le mois de septembre 2020 est le mois de septembre le plus chaud de l'histoire météorologique. Et chaque mois ou presque, nous faisons cette annonce dans ce journal des sciences. C'est le 16e mois consécutif où la température moyenne mensuelle à l'échelle de la France est supérieure à la normale. Selon le service européen Copernicus sur le changement climatique, à qui nous devons ces données, le mois de septembre 2020 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Depuis octobre 2019, il fait 1,28 degrés de plus que les températures de l'ère pré-industrielle. Avec des vagues de chaleur exceptionnelles, il est fort possible que 2020 devienne l'année la plus chaude de toutes. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le journal des sciences de la semaine. Peut-être, puisque c'est la semaine des prix Nobel Françoise Combes, un mot sur le prix Nobel de physique, j'imagine, qui vous a touché particulièrement. Ah oui, c'était formidable. Enfin, on l'attendait depuis un certain temps, parce que l'équipe de Rainer Genzel, avec toute l'équipe Gravity aussi, et de même l'équipe en Californie, avec... Les télescopes Keck, etc., ont poursuivi ces études pendant au moins 20 ans, 30 ans. Donc, ils étaient en train d'essayer de chercher quelle était la masse du trou noir au centre de notre propre galaxie. Et on pensait bien, en effet, que d'avoir fait cette découverte allait leur donner un prix Nobel. Mmh. Oui, parce qu'il faut le rappeler, c'est Roger Penrose, Reinhard Genzel et une femme. Andrea Ghez aussi, oui. C'est important pour les deux derniers, pour les travaux sur Sagittarius oui, à étoiles. Oui, tout à fait. En effet, il manque de prix Nobel femmes en physique. On voit bien que Andrea Ghez ici a fait exactement le même travail que le groupe de Reinhard Genzel et collaborateurs. Donc, elle mérite tout à fait ce prix Nobel. Et en fait, il faudrait qu'il y en ait un peu plus. La quatrième, pour les deux prix Nobel de chimie, je crois que ce sont les sixièmes ou les septièmes. Enfin, en tout cas, c'est pas beaucoup. Ah oui, alors cette année, ils ont fait fort là. Deux femmes, c'est bien. C'est important. On en reparlera de cette année un peu des trous noirs à travers vos travaux, Françoise Combes. On va revenir évidemment sur votre contribution à la compréhension également des trous noirs et notamment de ces trous noirs supermassifs. Mais pour commencer, je le disais, là aussi on parlait des Nobel, mais c'est un peu pareil pour la médaille d'or du CNRS. Ça fait 37 ans depuis la dernière médaille d'or du CNRS en astrophysique, puisque c'était en 1983. Quelqu'un que vous connaissiez bien, puisqu'il fut votre directeur de thèse, Evry Schatzman. Nous avons retrouvé cette archive de lui en décembre 1951, c'est dans l'heure de la culture française. Nous allons aujourd'hui nous contenter de décrire le ciel et de montrer comment le développement des instruments nous a dotés de moyens d'étude de plus en plus puissants. Quel chemin parcouru depuis l'époque où les bergers chaldéens regardaient le ciel dans sa splendeur nocturne? Quel progrès depuis les premiers catalogues d'étoiles dus à Hipparque, à Ptolémée? En ce temps, l'apparition d'une comète dans le ciel, avec sa chevelure s'étendant derrière elle, était de sinistres présages. Les météorites, pierres tombées du ciel, étaient adorées comme par exemple cette pierre, ramassée au IIIe siècle avant Jésus-Christ en Phrygie, en Asie mineure, et qui fut adorée pendant plusieurs générations sous le nom de Cybèle, mère des dieux. On avait remarqué dès cette époque qu'au milieu des étoiles fixes se déplaçaient des astres. Ils ont été appelés vagabonds, ce qui en grec se dit planète. Voilà, Ivry Schatzman en 1951, peut-être à moins de réaction, Françoise Comte. Oui, c'est assez émouvant d'entendre encore sa voix, parce que ça fait, bon, il a disparu depuis un certain temps. Et en effet, à l'époque où j'ai commencé, c'était vraiment mes débuts en recherche, il s'était un petit peu converti à un autre sujet, qui était la cosmologie. Il était surtout fait pour faire la physique des étoiles. En fait, il avait beaucoup travaillé là sur la physique stellaire. Et donc, on était parti sur un modèle très fantaisiste, en fait, de symétrique matière-antimatière. Et c'était passionnant, mais il était passionné. On reviendra, hein, c'était effectivement vos premiers travaux avec Aspomba, au moment où il a fondé, d'ailleurs, l'école d'astrophysique française. On va revenir sur ça, la matière, l'antimatière, et puis vos travaux sur les galaxies, sur les trous noirs. Pendant une heure, Françoise Combes et notre invité. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Une heure de conversation donc avec Françoise Combes, chercheuse en astrophysique au laboratoire d'études du rayonnement et de la matière en astrophysique et atmosphère, c'est le LERMA, l'Observatoire de Paris, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie au Collège de France et donc médaille d'or 2020 du SNRS. J'aime bien poser toujours cette question qu'on pose en général plutôt aux artistes et moins aux scientifiques, mais moi je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des scientifiques, la question de la vocation, Françoise Combes. Mmh. Est-ce que vous sentez une vocation pour les sciences en particulier, pour la physique et l'astrophysique en particulier? Oui, je pense que j'avais la curiosité de faire de la recherche, en fait. Et puis j'étais passionnée quand j'étais petite de ces scientifiques qui avaient révolutionné quelque chose. Par exemple Copernic, évidemment, qui avait mis la Terre non pas au centre de l'univers, mais autour du Soleil, etc. Ça avait vraiment changé notre vision de l'univers. Même aussi en biologie, en fait, les travaux de Pasteur, j'admirais beaucoup. Tout d'un coup, il avait trouvé un vaccin et avait sauvé l'humanité d'une certaine maladie. C'est tout à fait à la mode aujourd'hui. Mm-hmm. Donc ça me passionnait de voir qu'on pouvait, avec la recherche, avec la science, faire des révolutions comme ça qui étaient pour le bien de tout le monde. Mais finalement, je ne savais pas vers quoi. Mm-hmm. Pendant un certain temps, j'ai fait donc des études supérieures, etc. Et ce n'est qu'au moment de chercher le sujet d'une thèse que je me suis versée tout d'un coup la cosmologie. C'était vraiment passionnant parce que l'origine de l'univers, quelles sont l'origine de toutes les structures qui nous entourent, les galaxies, la Terre, pourquoi on est là. Et puis la recherche en physique. Donc, en fait, j'ai été rentrée à l'École normale au point de vue maths. Donc, c'était toujours assez abstrait. Et la physique, finalement, m'a ouvert des portes beaucoup plus concrètes. Mmh. Vous déclariez dans une interview que vous auriez pu tout aussi bien faire de la biologie. Oui. Comme je disais, il y a certains progrès en biologie qui étaient fantastiques et qui faisaient le bien de tous. Donc, ça me fascinait. Ou la peinture. Il y a souvent des. Mais il y a ça, souvent... c'est plutôt un hobby. Oui, mais il y a beaucoup de scientifiques, de chercheurs ou de chercheuses de haut niveau qui ont en parallèle une pratique artistique. Il y a quelque chose comme ça, un peu de similaire, des points de jonction, vous diriez. C'est vrai, parce qu'en fait, bon, c'est une méditation, la peinture. En fait, on regarde, on admire ce qu'on essaie de peindre et on réfléchit, ça permet l'évasion. En fait, donc c'est à la fois reposant, à la fois une méditation. Bon, je pense que je comprends, mais enfin, j'en ferai pas mon métier quand même. Alors donc, vous l'avez dit, hein, vous suivez les cours de l'École normale supérieure, vous avez une agrégation de physique en 1975, et pour vos études supérieures après l'agrégation, vous faites d'abord de la physique quantique, c'est votre DEA. Oui, en fait, c'était le DEA de l'École normale, donc c'était comme un chemin tracé, on n'avait pas eu beaucoup à réfléchir. C'était celui qui était appelé le DEA de Bruxelles, hein, du professeur Bruxelles, qui enseignait toujours à l'époque, et qui faisait la physique atomique, la physique quantique. Claude Cohen-Tanouji enseignait la physique quantique, et puis la physique atomique et moléculaire. Donc ce qui m'a servi beaucoup dans le futur, ça a été la physique atomique et moléculaire, qui a beaucoup de molécules dans l'espace, et ça a été très utile. pour la suite, bien sûr. Donc, vous faites votre troisième cycle, on l'a dit, avec Evry Schaltzman. Quels sont les souvenirs? Qu'est-ce qu'il vous a enseigné, diriez-vous? Qu'est-ce que vous retenez, que vous conservez de son enseignement? En fait, c'était surtout l'audace. En fait, l'audace d'aller dans les chemins non conventionnels. En fait, parce que beaucoup de gens cherchaient un petit peu pour la suite de ce qui a déjà été fait, regardaient un petit peu des progrès, évidemment, mais un petit peu plus implémenter un petit peu ce qui a été fait. Là, c'était vraiment fantaisiste. Hein. Aujourd'hui, les gens en font beaucoup de ce genre de gens où on a une grande imagination et on essaie de trouver des choses, par exemple pour la matière noire dont on parlera peut-être, quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas du tout dans la théorie standard et donc des chemins qui ne sont pas battus. Mmh. Vous diriez qu'il vous a emmené justement sur ces chemins de traverse, qu'il avait cette volonté de penser en dehors du cadre un peu ? Oui, c'était peut-être un stade de sa vie un petit peu qui lui permettait ça, parce qu'au début il avait fait la physique des étoiles et ça c'était tout à fait classique, il n'y avait rien de fantaisiste, donc peut-être il avait envie de sortir un petit peu du cadre et un professeur qui était son ami Roland Hamnes avait produit un modèle très fantaisiste aussi, un petit peu d'émulsion entre la matière et l'antimatière. Et c'était là-dedans qu'on s'est, avec Jean-Loup Puget aussi, on s'est tous précipités et c'était passionnant. On discutait toutes les semaines de ce sujet. C'était quoi ce modèle fantaisiste d'émulsion de la matière et l'antimatière? Oui, émulsion, parce qu'en fait, si la matière et l'antimatière ne sont pas séparées un tout petit peu, ben, ça annihile et puis il n'y a plus rien. C'est d'ailleurs le modèle standard, on sait que tout s'annihile et il ne reste qu'un milliardième de matière. Donc, qui est à l'origine de notre univers. Donc on voulait dire pourquoi, donc on sait pas, encore aujourd'hui on sait pas très bien pourquoi la matière est différente de l'antimatière. Pour l'instant on n'a pas mis aucune évidence de dissymétrie. Donc c'était quand même justifié de supposer que c'était symétrique et à ce moment-là il fallait un petit peu comme l'huile et le vinaigre. Hein. L'huile fait des taches d'huile, si je puis dire, puis le vinaigre de l'autre côté. Et puis on peut imaginer que ce sont des grandes surfaces. Et donc on peut former des galaxies d'huile et puis des galaxies de vinaigre. Et donc, à l'interface, évidemment, ça va s'annihiler et former énormément de rayons gamma. Et donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de satellites gamma, donc on n'avait pas encore de contraintes. Et puis peu à peu, on en a eu et ça mettait le modèle complètement incompatible avec les données. Il n'y avait pas assez de rayons gamma qui... C'est-à-dire que c'était l'une des thèses initiales, hein, c'est de se dire en fait il y a eu matière et antimatière formées et donc ça a formé quasi deux univers séparés avec une partie de l'univers en antimatière à l'autre bout très très loin qui serait partie de l'autre côté et notre univers de matière, mais sauf que ça aurait signifié une frontière qu'on n'a jamais trouvée. Et plus tard, il y a eu des personnes avec même Schaltzman, Xavier Désert par exemple, avait imaginé non pas des galaxies de matière-antimatière assez éloignées, mais carrément un univers boule avec une moitié matière, une moitié antimatière. Donc ça écartait encore les frontières, avec une seule frontière. Mais même ça, tout d'un coup, le progrès des satellites gamma a montré que c'était impossible. Et alors donc ça, c'est vos travaux sur matière-antimatière qui vous conduisent à une thèse d'état donc en chimie, en chimie du milieu interstellaire en 1980. C'est une matière assez différente et assez surtout assez nouvelle à cette époque. Assez nouvelle. Et c'est Pierre Encrenas qui m'a attiré vers cette science-là. Parce que à ce moment-là, en sortant de la thèse troisième cycle, il y avait une grosse question qui se posait, et il m'avait dit bon, il y a un petit poste transitoire d'enseignant chercheur, et on va peut-être construire un laboratoire. Donc, il construisait un laboratoire à l'époque de radioastronomie millimétrique. Mmh. Il existait la radioastronomie centimétrique, annoncée. Il y a un grand radiotélescope qui avait été inauguré dans les années 50-60, mais millimétrique il n'y en avait pas. Et il y avait un grand progrès. On s'est aperçu dans les années 70 qu'il y avait beaucoup de molécules dans l'espace interstellaire. Ça, c'était une surprise parce que l'univers interstellaire, il est complètement vide, pratiquement vide. Il y a une particule par centimètre cube au lieu de 10 puissance 23 dans cette aire qui nous entoure. Donc, pour que les atomes puissent se rencontrer et former des molécules, c'était impensable. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y en avait plein. Il y avait toutes sortes de molécules, jusqu'à des molécules à 13, 14, 15. Et puis ensuite, on a découvert des molécules en ballon de football avec 50 ou 60 atomes de carbone. Donc tout ça, c'était remarquable. Donc il y avait toute une série de personnes qui se dirigeaient vers cette chimie interstellaire. Mais c'était vraiment un nouveau, parce que c'est ce que vous dites, Françoise Combes, c'est-à-dire que on dispose pas encore à l'époque de matériel suffisamment fin ou précis pour précisément ausculter cet espace interstellaire. On n'avait pas de télescope dans cette longueur d'onde-là, c'est la longueur d'onde avec 1 mm hein, ou 2 ou 3 mm, qui sont les rotations, les fréquences de rotation d'une molécule, par exemple. Et dans ce domaine-là, il y avait des télescopes aux États-Unis seulement. Donc on a fait plusieurs campagnes d'observation aux États-Unis, des grands voyages, et qui étaient passionnants aussi, et qui nous ont permis de progresser dans le système. Et ce qui a donné naissance à aujourd'hui l'IRAM, l'Institut de radioastronomie millimétrique franco-allemand-espagnol, donc européen, et qui est le plus grand au monde avant ALMA, qui ensuite au Chili, dont on va parler d'ailleurs dans quelques minutes. C'est ainsi que vous arrivez à identifier du monoxyde de carbone dans la galaxie d'Andromède. Oui, alors là, c'était une surprise et on s'est bien amusé. Racontez-nous un peu cette aventure. Parce que les Américains avaient bien entendu essayé de le chercher. C'est la première galaxie voisine. On en commençait à en trouver dans la Voie lactée. Notre propre galaxie, on s'est dit pourquoi pas Andromède. Donc ils avaient regardé au centre, parce qu'évidemment la densité au centre est plus grande qu'au bord, et ça décroît en fonction du rayon de la galaxie. Donc ils avaient regardé, pointé leur télescope au centre, et il n'y avait rien du tout, avec une bonne limite supérieure. Et donc ils avaient sorti une publication en disant que non, dans Andromède il n'y en avait pas. Mais on s'est dit, c'est pas possible, il y a plein de bras spiraux, avec la formation d'étoiles, avec de la poussière. En général, c'est dans les nuages moléculaires que se forment les étoiles. Donc sans doute, il doit y avoir des nuages moléculaires, mais très loin du centre. Donc on a regardé les bras spiraux, et là, il y en a eu. Donc on a pu faire une publication en disant, vous vous êtes trompé, il y en a dans Andromède. Il y a du monoxyde de carbone, et puis à partir de là, vous partez un peu en quête, comme ça, à la chasse aux molécules, dans le milieu interstellaire particulièrement, hein, pas dans les nuages de gaz, mais vraiment dans le milieu interstellaire. Oui, en fait, on était encore dans l'époque où on cherchait jusqu'où on pourrait trouver des molécules. Donc on a découvert la molécule d'acétone, par exemple. On était aidé avec des spectroscopiques de Lille, en fait le laboratoire de Lille, qui nous préparait en laboratoire les fréquences, parce que les fréquences n'étaient pas connues. Ce sont en général des radicaux, ou bien l'acétone encore c'était connu, mais il y a parfois CCD, CCH, qui n'étaient pas connus, car ça n'existe pas sur Terre. Donc, c'est des molécules à intérêt astrophysique. Donc, ils en faisaient la spectroscopie et en déterminaient la fréquence des molécules, ce qui nous permettait, par un petit peu comme un code, code barre, de regarder, d'identifier ces molécules. Et on a détecté un certain nombre comme ça. Il faut préciser qu'évidemment, chaque atome et donc chaque molécule a une signature spectroscopique. Vous pouvez nous rappeler un peu comment ça fonctionne ? Oui, parce que chaque molécule tourne. En fait, c'est la fréquence de rotation d'une molécule. Alors, évidemment, il y en a des molécules plus lourdes. Il y a par exemple la molécule principale, c'est la molécule d'hydrogène, H2. Mais malheureusement, elle n'émet pas dans millimétrique puisqu'elle est symétrique. Et donc, elle n'a pas de moment dipolaire, ça ne rayonne pas. Par contre, CO, le monoxyde de carbone, est asymétrique, donc il y a un moment dipolaire et on peut le voir, il rayonne. Et toutes les molécules asymétriques rayonnent avec des fréquences différentes selon leur masse et puis la distance des molécules au centre, donc le moment cinétique de la molécule. En 1989, vous êtes recruté à l'Observatoire de Paris. Vous allez commencer vos longues campagnes d'observation dans des télescopes à l'autre bout du monde. Il y en a une, les premières campagnes, c'était lesquelles dont... Alors les premières campagnes, c'était surtout en Arizona. Il y avait le plus grand télescope à l'époque, c'était un 12 mètres de diamètre en millimétrique. Donc on avait fait des propositions de temps, pour avoir du temps sur ce télescope. Et pour observer quoi à l'époque ? Alors, c'était des galaxies, et puis aussi parfois des nuages dans notre propre galaxie, près du centre de la galaxie, par exemple. Mais surtout, non seulement Andromède, mais maintenant qu'on savait qu'il y en avait dans les bras spiraux, on est allé chercher dans plusieurs galaxies autour. Même Messier 51, dans les chaînes chasse, ça a beaucoup de molécules. C'est une très riche. Donc, on a observé un certain nombre de galaxies. Et on allait aussi, il y en avait un télescope qui était moins couru, donc avec moins de pression, on obtenait plus de temps. C'était le télescope au Texas, un 5 mètres. Tout doré, recouvert d'or, la surface, et aussi un télescope en aérospace en Californie, qui est un peu militaire, mais il y avait un télescope sur le toit de ce bâtiment militaire, et donc on était escorté par jour et nuit par quelqu'un parce que c'était secret, mais quand même on allait sur le toit pour observer ces molécules. Vous alliez travailler dans des bases secrètes américaines. Voilà. Vous disiez, Françoise Combes, j'aime bien cette citation, vous disiez, je partais sur le terrain plusieurs semaines par an avec le soutien de mon mari qui gardait nos trois enfants. Oui, j'ai eu de la veine quand même, j'ai eu beaucoup de chance et je le remercie beaucoup car il fallait quand même s'éloigner au moins une semaine, deux semaines pour aller faire ses observations. Et l'intendance derrière pouvait suivre. Mais c'est bien, c'est une famille moderne, ça change un peu. Parce que dans le milieu de l'astrophysique, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Ça progresse beaucoup. J'ai vu parmi mes étudiants qu'il y a de jeunes papas qui sont très très conscients de ça et qui font vraiment la moitié de leur travail. Aujourd'hui, oui, mais dans les années 80. Néanmoins, vous dites également que vous étiez plutôt plus nombreuses en France que dans les pays anglo-saxons, que la France était plutôt en avance sur, la parité, mais en tout cas qu'il y avait plus on de femmes. Il y avait 30% au moins de femmes en astrophysique, et de même que l'Italie et l'Espagne, c'est curieux, c'est les pays latins étaient plus favorables finalement à la femme scientifique que les pays anglo-saxons, où c'était 2, 3, 4%. Encore aujourd'hui, ça pourrait être un peu, mais c'est pas beaucoup. Par contre, il y a quand même une tendance un peu négative, parce que autrefois, dans les années 70-80, on obtenait un poste permanent beaucoup plus tôt après la thèse, et on n'avait pas besoin d'attendre 6, 8, 10 ans de post-doc après la thèse. Alors ça, attendre 2 ans un post-doc ici, 2 ans là, ça permet pas de s'établir, de rester un petit peu stable, et les femmes abandonnent un peu plus vite. On dit aussi, et c'est vrai qu'il en a été question quand on a abordé ces thèmes dans l'émission, que ça n'est pas tant le nombre de femmes présentes dans une discipline particulière, mais finalement de celles qui réussissent à monter en grade, à être première signataire. Vous avez senti, vous, ce type de résistance-là ? Au début, pas du tout. Mais plus tard, oui, c'est vrai que plus tard, lorsqu'il s'agit de prendre des positions, des directeurs de laboratoire, des présidents d'université, etc., ça devient plus difficile. Parce que ce n'était pas ce que j'avais envie de faire, hein. C'était pas mon ambition, mais je le voyais autour de moi. Moi, j'étais plus dans la recherche pure. À ce moment-là, on travaille un petit peu seul, on n'a pas besoin d'avoir une position exceptionnelle pour travailler dans sa recherche, donc ça c'est moins sensible. À quel moment est-ce que vous vous concentrez vraiment sur ce qui va devenir votre fer de lance, c'est-à-dire l'étude des galaxies, l'étude des trous noirs supermassifs et l'évolution en fait des galaxies? Il faut dire que dans les années 80, alors peut-être moins au moment où on en est dans votre carrière, mais pendant très longtemps, on pense que les galaxies ont été formées immédiatement après le Big Bang et qu'elles sont restées telles quelles quasiment depuis. On n'a pas encore l'idée qu'il puisse y avoir bien une évolution et des formations au fur et à mesure des galaxies. Ça commençait un petit peu dans les années 70. 80, on travaillait sur les interactions entre galaxies. Et donc, c'est là, en même temps que les observations de millimétriques aux États-Unis, il y avait quand même entre les campagnes du temps pour s'intéresser à autre chose. Donc, on s'intéressait aux galaxies en interaction. Et ce qui avait été observé avec le gaz hydrogène atomique, cette fois, 21 cm de longueur d'onde, en radioastronomie centimétrique. Alors, ce gaz trace un petit peu toutes les perturbations qui sont données à des galaxies lorsque sont en interaction. Il y avait Léonid Veliachev, qui est disparu depuis, et qui m'avait introduit ce sujet d'interaction de galaxies. Donc j'avais commencé des modèles, des simulations numériques, avec les moyens à l'époque, qui étaient beaucoup moins importants qu'aujourd'hui. Les ordinateurs ont progressé de façon exponentielle. Donc à l'époque, on faisait des simulations de 10 000, 20 000, 50 000 particules, c'était déjà beaucoup. Donc on avait un petit peu regardé ce que l'interaction de marée entre galaxies faisait à la morphologie des galaxies. Donc ça a commencé ici, dans les années 80. Et alors du coup, quels sont vos premiers travaux avec, d'ailleurs, on va reparler tout à l'heure de certains de vos anciens doctorants ou de vos anciennes doctorantes. quels sont les premiers travaux qui vous engagent dans cette piste finalement que vous allez poursuivre tout au long de votre carrière? Oui, alors on a commencé avec aussi un Hollandais qui s'appelait Bob Sanders. À regarder à quoi étaient dues les barres. Il y avait des galaxies en spirale et des galaxies en barres. Donc les simulations numériques, on a commencé à les faire de façon isolée d'abord, hein, pas en interaction de galaxies. Et on voulait savoir si une galaxie complètement homogène, un disque sans structure, tout d'un coup, de façon, si on prend le problème à n corps gravitationnel, c'est l'interaction de toutes les étoiles entre elles. Alors, on n'a pas du tout une spirale seulement, on a une spirale et une barre. La barre, on précise bien que c'est en fait ce qu'on appelle les spirales barrées, ce sont les spirales avec un bulbe, mais notre Voie lactée, en fait, on s'en rend pas compte, on pense qu'il y a juste un bulbe au milieu, mais c'est un bulbe qui s'étend un peu comme une sorte de rectangle. Une barre, comme un bâton, ouais, une barre. C'est ça. Une barre et la spirale, en général, part au bout de la barre. Et l'approche analytique n'avait donné que des ondes spirales, parce qu'en fait, elle faisait l'approximation que les bras spiraux étaient très serrés. Alors, lorsqu'on voit une barre, c'est les bras spiraux qui sont très ouvert. Donc ça n'allait pas du tout. Et donc ce sont les simulations numériques qui ont fait comprendre que la barre était le principal. Au départ, on pensait qu'il y avait des spirales normales et les barrées, c'est une exception. En fait, les deux tiers des galaxies sont barrées. Donc c'est les spirales sans barre qui sont une exception. Donc ça, on l'a compris avec les simulations numériques. Et puis à l'époque, les gens faisaient des simulations à deux dimensions seulement, c'est-à-dire un plan. Vu qu'il n'y avait pas beaucoup de particules et d'en faire à trois dimensions, ça mettait une résolution spatiale plus faible. Donc on s'est dit, on va les faire à trois dimensions, quand même c'est bizarre, deux dimensions, on va sans doute avoir plus de stabilité, et peut-être la barre ne sera pas là. Et finalement, on a eu la surprise de voir que, tout d'un coup, en prenant en compte la troisième dimension, là, il y avait une résonance entre les mouvements de la barre, qui ne sont pas à la même vitesse que les mouvements des étoiles, et ça a soulevé les étoiles en l'air, perpendiculairement au plan. Donc ça faisait des bulbes, qui finalement sont en effet l'origine de bulbes de notre propre galaxie, c'est un bulbe qui est dû à la barre. Et non l'inverse, voilà. On va continuer à parler des travaux de Françoise Combes, médaille d'or 2020 du CNRS dans cette prochaine demi-heure. On va voir notamment la postérité d'un certain nombre de ses travaux aujourd'hui encore. Et puis, on va discuter de ses derniers travaux, de ses derniers rapports avec les télescopes géants du Chili. On parlera aussi un peu de trous noirs et puis des télescopes du futur. Resterait bien en compagnie de M. Shire & Foote, Galaxies Like Grains of Sand, des galaxies comme des grains de sable. Françoise Combes, c'est une image qui, c'est un peu comme, comme le Pale Blue Dot de Carl Sagan. Oui, on imagine vrai, bien de grains de sable. Parce qu'en fait, une galaxie, c'est une collection d'étoiles, donc de grains de sable. Il y en a 200 milliards d'étoiles, donc ça peut faire du sable. Voilà, cette voix, c'est celle de Françoise Combes, chercheuse en astrophysique au LERMA, l'Observatoire de Paris, et titulaire de la chaire Galaxies et Cosmologie au Collège de France, et donc médaille d'or 2020 du CNRS, qui est notre invité tout au long de cette heure. Alors, autre question que j'aime bien poser à mes invités depuis 5 ans maintenant. Qu'est-ce que ce serait pour vous, Françoise Combes, la méthode scientifique, puisque c'est notre nom? Est-ce que ça a une, est-ce qu'il y a une méthode Françoise Combes? Comment est-ce que vous l'envisagez? C'est une méthode générale, hein, c'est pas seulement la mienne, bien sûr. Mais en effet, c'est une méthode. D'abord, il faut avoir des idées de problèmes à résoudre. Donc déjà, chercher un petit peu quels sont les problèmes les plus intéressants, et donc il faut avoir une curiosité pour cela. Il faut, je pense que 90% de notre travail, c'est de regarder ce que les autres ont fait. Mm-hmm. Parce qu'il y a énormément de travaux qui sortent, hein, chaque matin, enfin, on peut lire 80 papiers. Donc pour savoir ce qui reste à faire, ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir ce que les autres ont fait, et là où ils n'ont pas réussi à trouver quelque chose. Donc là, d'abord, la méthode, c'est de trouver le problème. Identifier le problème. Et ensuite, essayer de lister, de savoir comment on va aborder et trouver les solutions. Mmh. Donc c'est là qu'il faut être très curieux en recherche, je pense. C'est l'imagination, la curiosité qui sont... Et puis, avoir un contexte, avoir une certaine culture scientifique pour savoir, en effet, quelles sont les méthodes. Alors les méthodes, pour nous, c'est l'observation. Observation avec télescope. Dans quelle longueur d'onde on va regarder? Parce qu'aujourd'hui, c'est multi-longueur d'onde. Entre les 11X et jusqu'à la radioastronomie. On essaie de regarder un objet sur toutes ses coutures. Et puis, de chercher un test qui va prouver les idées qu'on a eues pour résoudre là. Il faut déjà avoir un petit préjugé quand même. Quelle va être la solution? Ça peut être la solution A, B, C. Et ensuite, comment prouver que c'est A plutôt que B plutôt que C? Donc, trouver une méthode, une observation qui le prouve. Mmh. Vous diriez, François Sonde, que vous, quel est le problème que vous avez cherché à élucider à différents moments? Il y en a beaucoup, mais notamment puisqu'on était en train de parler justement de l'observation des galaxies et de la formation, de l'origine des galaxies. À quel moment vous vous êtes dit, là il faut que je m'accroche, il y a quelque chose vraiment, il y a une bobine à dérouler? En fait, on a trouvé l'ensemble, beaucoup d'observations. Hein, on trouvait que en fonction du temps, d'abord en astronomie, il faut quand même souligner qu'on remonte le temps à chaque fois qu'on regarde loin, on remonte le temps. Donc on a pu regarder, au début de l'univers, il y avait très peu de formation d'étoiles. Une galaxie se forme très doucement au départ, et puis ensuite, à la moitié de l'âge de l'univers, il se forme des flambées de formation d'étoiles, et puis d'un coup, ça s'arrête. Et aujourd'hui, c'est plutôt des cendres. Hein. On voit quelques étoiles. Dans la Voie lactée, il se forme 2 ou 3 étoiles par an. Au moitié de l'âge de l'univers, il pourrait y avoir des galaxies à 1000 étoiles par an. Donc ça, on aimerait savoir pourquoi. Et justement, les étoiles naissent dans le nuage moléculaire, pardon. Et donc, on aimerait faire l'observation du gaz moléculaire en radioastronomie millimétrique pour savoir est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de gaz, tout d'un coup, qu'on ne voit plus d'étoiles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne trouve plus de galaxies jeunes et très actives? Pas beaucoup, non, très peu. En fait, elles sont très loin. Elles sont peut-être proches, mais petites. Alors, curieusement, les plus grosses se forment au début et les petites aujourd'hui. Ceux qui forment le plus d'étoiles, c'est les petites. Alors ça, c'est paradoxal parce qu'on est dans un système qui va de bas en haut, c'est-à-dire on forme des petites galaxies et puis ensuite on les fusionne à forme des grosses. On se dit comment ça se fait que les plus petites forment des étoiles aujourd'hui alors que les grosses en formaient autrefois. Alors c'est complètement différent. Les petites qui se forment et qui fusionnent en grandes, c'est la matière noire. Et la matière ordinaire qui tombe dans les puits de potentiel de matière noire, c'est le contraire. C'est d'abord les grosses qui forment le plus d'étoiles, et ensuite on arrive à une galaxie elliptique faite de vieilles étoiles. Et puis celles qui forment le plus d'étoiles aujourd'hui, c'est les petites, les petites naines qui sont nées après. Mais on va reparler de la matière noire et des galaxies noires, parce que ça aussi, c'est toujours assez surprenant et pas forcément évident à comprendre et à conceptualiser, d'imaginer qu'il puisse y avoir des galaxies de matière noire ou que ce soit la matière noire qui commence la formation des galaxies, alors qu'on parle là même d'une matière qu'on ne connaît pas, d'une masse manquante dont on ne connaît pas l'identité. Mmh. Mais on va y revenir dans un instant, François Lascombe. Mais avant ça, on va parler aujourd'hui du sillon que vous avez creusé, que de nombreuses chercheuses et chercheurs continuent à entretenir aujourd'hui, eh bien, dans votre sillage. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour François Combe, bonjour à tous. On va partir avec vous dans l'observation des quasars lointains, direction l'Institut d'Astrophysique de Paris. Oui, les quasars lointains sont très pratiques pour sonder l'univers. Il faut les voir un peu comme des phares dans la nuit. Ils éclairent tout ce qui se trouve dans une direction donnée. Certains illuminent, dans notre ligne de visée, des galaxies et nuages de gaz. En regardant le spectre lumineux qui ressort de ces nuages, on peut y trouver la signature de certains éléments chimiques ou bien même des molécules. Avec cette technique, Pasquier Notre-Dame, chercheur à l'IAP, avait pu découvrir avec son équipe du monoxyde de carbone dans une galaxie située à environ 11 milliards d'années-lumière. Une détection qui avait permis d'aboutir à une mesure encore plus précise de la température du rayonnement fossile. Et aujourd'hui encore, ces travaux se poursuivent avec des grands programmes comme ALMA ou bien le télescope SKA en Afrique du Sud. Alors moi j'utilise les quasars vraiment comme des sources d'arrière-plan, c'est-à-dire que les quasars sont des objets qui sont compacts, mais très très brillants, et donc on peut les détecter à des distances cosmologiques. et utiliser la lumière qu'émettent ces quasars pour sonder des galaxies qui vont se trouver entre ce quasar et nous-mêmes. Et moi en particulier, donc je m'intéresse au milieu interstellaire donc, de ces galaxies, aux gaz qu'elles contiennent et aux molécules. En fait, vous faites de la spectrographie en utilisant un peu le faisceau de ces quasars comme un phare qui pourrait éclairer des objets ou des processus en cours. Voilà, et dans le spectre du quasar, on va avoir des raies d'absorption qui vont être dues à différents éléments donc, qui se trouvent dans cette galaxie en avant-plan. Et donc ces éléments, ça peut être de l'hydrogène moléculaire, d'autres molécules, des métaux. Et en analysant ce spectre, on va mesurer la quantité de chacune de ces espèces et des fois dans des niveaux d'excitation qui peuvent être différents. Et grâce à ça, on déduire les conditions physiques dans le gaz. Donc on peut faire de l'astrochimie de manière très précise à ce genre de distance-là? Oui, tout à fait. Alors c'est ça, c'est un des points forts de la technique en absorption. C'est que la détection de ces espèces ne dépend pas de leur distance, en fait. À partir du moment où on a une source d'arrière-plan, ça ne change rien qu'on se trouve proche ou loin. C'est juste une histoire de longueur d'onde, mais le signal n'est pas dilué, si on veut. Alors là, voilà, sur ce graphe, vous voyez donc la température du fond diffus cosmologique en fonction du décalage spectral de l'objet étudié. Donc tout ça, ce sont des mesures qui ont été faites avec des quasars. Alors en fait, les molécules sont excitées dans le milieu interstellaire par différents processus. Donc par exemple, les collisions, donc les molécules vont être excitées, vont se trouver dans différents niveaux d'excitation en fonction de la température, de la densité, ça va changer. Mais il y a aussi de l'excitation radiative, donc ça c'est le fond diffus cosmologique qui va aussi participer à l'excitation de ces molécules. Donc là c'est ce que vous voyez. Donc sur ce graphe, donc, vous avez cette température qu'on a déduite grâce à l'excitation des molécules. Alors cette température on la mesure aujourd'hui, c'est-à-dire un décalage spectral de zéro. Ça c'est mesuré directement avec des satellites comme Planck. Hein, voilà. Et puis plus on s'éloigne dans l'univers, ben, ces mesures on doit le faire avec d'autres techniques. Et donc vous voyez le point ici qui se trouve à un décalage spectral de 0,9. Ça, c'est une mesure faite justement par Françoise Combe, qui a utilisé les molécules dans une galaxie qui se trouve sur la ligne de visée de PKS 1830. Et donc les mesures qui se trouvent à plus grand décalage spectral ici, par exemple, vous voyez les points rouges, qui sont un décalage spectral de 1,5 jusqu'à 3. C'est ce qu'on a fait en utilisant la molécule de CO. De monoxyde de carbone. De monoxyde de carbone. Et ça, c'est dans l'univers encore plus lointain. Et on a utilisé pour ça l'absorption en optique, en fait, avec des spectrographes qui sont montés sur le très grand télescope au Chili. Tandis que cette mesure à 0,9, là, c'était fait avec des radiotélescopes. Dans la caractérisation des espèces chimiques, ouais, en dehors du monoxyde de carbone, est-ce que vous traquez d'autres éléments liés à une période donnée? Alors, moi, je traque principalement donc, l'hydrogène moléculaire, qui est finalement la molécule la plus abondante dans l'univers. Et pourtant, elle est très difficile à détecter directement. C'est-à-dire, par exemple, qu'en émission, on la voit très peu, seulement dans le gaz qui est chaud, qui est assez excité. Sinon, en fait, toutes les mesures de masse moléculaire sont faites grâce à la molécule de monoxyde de carbone. Donc on a une espèce de facteur de conversion. Ça, c'est ce que font les astronomes qui travaillent avec des données en émission. Mais en absorption, on peut détecter directement la molécule d'hydrogène grâce à ces raies d'absorption qui se trouvent dans l'ultraviolet. Voilà, donc moi pour analyser les spectres, il y a plusieurs étapes. C'est-à-dire on va d'abord essayer de trouver nos lignes de visée qui vont traverser les objets intéressants. Donc comme je disais, il y avait ce cas très particulier de PKS 1830. À grand décalage spectral, bah, c'est pas aussi évident parce qu'on ne voit pas la galaxie qui se trouve devant. Mais on arrive à sélectionner ces quasars dans des énormes bases de données. Donc il y a un gros travail de recherche de ces lignes de visée. Puis on va les observer avec les grands télescopes donc au Chili. Et puis l'analyse du spectre, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Comme vous voyez ici, il y a des raies un peu partout. Voilà, c'est assez complexe. Et on termine en utilisant des modèles. Donc on va modéliser le gaz qui se trouve pour justement déduire les conditions physiques. Donc on utilise des outils qui vont recréer en fait des spectres. Donc en fonction des conditions physiques que l'on va mettre dans notre modèle, il pourra nous dire à quoi va ressembler le spectre. Donc là, par exemple, vous voyez en fonction de la densité d'un certain nuage et de sa distance par rapport au quasar. Donc là, c'est un cas où le nuage se trouve beaucoup plus proche du quasar. Et bon, on va prédire l'excitation de différentes espèces chimiques que l'on compare avec les données. Et c'est ça qui nous permet justement d'avoir des informations sur ce gaz. Oui, donc d'un côté, il y a la database avec tous les quasars qui sont identifiés, de l'autre, vos modèles. Et vous... Voilà, c'est ça. Donc on a la banque de données avec les quasars. Donc ça, en général, ce sont des petits télescopes qui prennent des quantités énormes de données, donc des centaines de milliers de specs de quasars. Parmi ceux-là, on recherche ceux qu'on va aller suivre à plus haute résolution sur des grands télescopes. Alors là, on peut pas en observer des centaines de milliers. Hein, c'est un quasar prend des fois 10 heures d'observation. Donc c'est hors de question d'aller observer des centaines de milliers de quasars. Et après, voilà, c'est les modèles qui vont être comparés. Donc il y a plus quand même pas mal d'étapes pour arriver à des mesures comme ça, retrouver la température du fond diffus cosmologique. Voilà, Françoise Combes, la suite, la continuation de vos travaux, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Oui, en fait, ce que fait Pasquier Notre-Dame, là, c'est tout à fait complémentaire à ce que nous faisons, parce que nous le faisons dans les longueurs d'onde millimétriques, il le fait dans l'ultraviolet, l'optique, et ce qui permet de comparer, en fait, les molécules, les raies de molécules dans ce domaine-là, très très basse énergie et de très haute, et de savoir si les constantes de la physique fondamentale ont varié. En fait, si la vitesse de la lumière, par exemple, ou les moments électriques des protons et des électrons avaient varié, ou le rapport des masses électrons-protons variait dans le temps, on le verrait sur les raies des molécules. Surtout si on compare les raies dans plusieurs longueurs d'onde qui dépendent de ces facteurs de fondamentaux de façon différente. Donc on a regardé, on a comparé les raies ultraviolettes et millimétriques, et on a vu qu'on n'avait pas du tout de variation jusqu'au début de l'univers, d'abord pas du tout d'une galaxie à l'autre, et ensuite dans le temps. Donc dans l'espace et dans le temps, les constantes fondamentales ne varient pas. Et ça c'est important, on a pu mettre un millième ou un millionième parfois de variation de contraintes, et ça permet d'éliminer des modèles un petit peu fantaisistes, de modèles non standards, de gravité modifiée pour résoudre le problème de la matière noire, par exemple. Donc finalement, ces absorptions nous permettent aussi de contraindre des modèles physiques. Bien sûr. Alors justement, parlons un peu de matière noire, et notamment de ces modèles auxquels vous avez contribué sur l'origine et sur la formation des galaxies. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Françoise Combes, c'est-à-dire que à l'origine des galaxies, la première chose, ça n'est pas de la matière baryonique. Le premier, le début, la source, la graine, entre guillemets, ce sont ce qu'on appelle les galaxies noires, des effondrements de matière noire. Expliquez-nous un peu, parce que ça peut paraître très abstrait comme ça. Oui, c'est vrai. On s'est aperçu dans les années 85, hein, pas avant, que s'il n'y avait que de la matière ordinaire, cette matière ordinaire reste piégée avec les photons parce qu'elle est ionisée au début de l'univers. L'univers est très très chaud. Et on est à 200 millions d'années après le Big Bang à peu près. Voilà, même un peu plus tôt, même 300 000 ans après. 300 000 ans. Ah oui, on est au fond diffus cosmologique. Sur le fond cosmologique, on a une matière complètement ionisée, très chaude, jusqu'à 3000 degrés. Et à ce moment-là, 3000 degrés, elle se recombine en atomes hydrogène. Mais on est obligé d'attendre ce 3000 degrés ou ces 380 000 ans après le Big Bang. La matière noire, elle n'interagit pas du tout avec les photons. C'est pour ça qu'on la voit pas, elle est noire. Elle est transparente, en fait. Donc il y en a peut-être dans cette pièce, mais les photons passent et elle l'absorbe pas, elle n'émet pas. Donc ce qui permet de se découpler des photons très très tôt et de s'effondrer par sa propre gravité sans être gêné par les photons. Alors que la matière ordinaire, les photons, il y a une pression de radiation qui empêche tout effondrement de la matière ordinaire. Donc on a des galaxies noires et il faut attendre longtemps que la matière redevienne neutre et puisse se concentrer dans les puits de potentiel de matière noire. S'il n'y avait pas de matière noire, on ne formerait pas de galaxies. C'est assez fascinant parce que néanmoins, il y a plein de... On en avait parlé d'ailleurs dans le journal des sciences, on commence à trouver aujourd'hui, à observer des galaxies dans lesquelles il n'y a pas de matière noire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors ça, c'est possible de l'expliquer. C'est très rare. Hein. C'est juste des petites galaxies naines qui ont été en interaction, justement, avec un gros compagnon très massif. Et donc, il y a des effets de marée qui peuvent dénoyauter une galaxie, qui peuvent faire échapper leur matière noire, mettre séparer matière noire et matière visible. En fait, c'est une perturbation gravitationnelle qui sépare les composants. Donc c'est très très rare, ça peut arriver, il y a combien sur des millions de galaxies qu'on connaît, il y en a deux ou trois. Non, mais c'est pour ça qu'on en parlait, que on avait trouvé ça assez assez intéressant et assez fascinant. Si on avance un peu, Françoise Combes, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette émission, à vos travaux aujourd'hui, vous vouliez nous parler particulièrement, quand on a préparé cette émission, de tous les travaux que vous avez pu faire sur le télescope chilien ALMA. En quoi consistent-ils ces travaux, et aujourd'hui, quel est le problème que vous cherchez à élucider? Oui, alors on utilise ALMA parce que c'est un réseau d'antennes millimétriques Afrique, qui sont très éloignées les unes des autres. On peut aller jusqu'à 16 km de distance. Et ça nous permet d'avoir une très grande résolution spatiale, comme un télescope qui aurait cette taille-là de 16 km. Donc ça nous permet d'avoir 10 milliarcs/secondes de résolution. C'est 0,01 arcseconde. C'est 10 fois mieux que le Space Telescope Hubble. Donc avec cette résolution spatiale, on peut aller très très près des trous noirs supermassifs qu'il y a dans chaque galaxie. On sait qu'il y en a un dans chaque galaxie, il y en a un dans la Voie lactée. On l'a vu avec le prix Nobel de Reinhard Genzel et André Guez cette année. Et puis dans Andromède, il y en a un qui est 30 fois plus massif que dans notre propre galaxie. Et on a vu que dans Messier 87, dans l'amas de la Vierge, on a fait l'image de l'ombre de ce trou noir. Il fait 6 milliards de masses solaires. Donc, dans chaque galaxie, on en a un et on aimerait savoir comment il accrète son gaz, comment il croît. En fait, il croît avec la galaxie. Et donc, il vit en symbiose, en fait, avec cette galaxie. C'est-à-dire que chacun accrète du gaz, la galaxie va former des étoiles avec ce gaz et le trou noir va croître sa masse avec ce gaz. Et puis, peu à peu, le trou noir, lorsqu'il reçoit du gaz, il y a énormément d'énergie qui est dégagée. Il y a beaucoup de rayonnement UV, X, gamma, etc. Et qui produit tellement de pression de radiation que le gaz s'en va. Il n'est plus attiré. S'échappe. Donc, il y a un petit phénomène de rétroaction, en quelque sorte. Si le trou noir mange trop, il est obligé de rejeter sa nourriture. C'est ça. Et du coup, ça interrompt de facto la création d'étoiles dans la galaxie. C'est ça. C'est tellement violent que le gaz s'en va et il n'y a plus de formation d'étoiles. Donc, ça arrête la formation d'étoiles et c'est peut-être ça qui explique que on ne voit plus beaucoup de formation d'étoiles aujourd'hui. Qu'elle a été arrêtée, la matière ordinaire est sortie. Et ça, ça résout aussi un problème. Quand on regarde les simulations numériques sans qu'on prenne en compte ces trous noirs dans chaque galaxie, on voit que le rapport d'abondance entre la matière ordinaire et la matière noire, normalement, elle est de 20%. Dans tout l'univers, c'est 20%. Dans les galaxies, ce n'est que 4%. La matière baryonique. Hein. Oui. Contre la Alors, matière noire. Où est-elle partie? Parce que lorsqu'on fait des simulations, on doit trouver la même pourcentage entre la matière ordinaire et la matière noire. Il devrait y avoir 20% de matière ordinaire dans chaque galaxie. En fait, non, elle est partie. 80% de la matière est sortie. Et on se demandait pourquoi. Et sans doute, les trous noirs, qui sont pourtant des petites têtes d'épingle au centre de chaque galaxie, ils ont assez d'énergie pour souffler la matière et empêcher que les galaxies forment trop d'étoiles. Et du coup, vous interrogez aussi la façon dont le gaz tourne justement autour de ce trou noir central. Enfin, c'est ce que vous venez de nous dire. Mm-hmm. Et notamment dans différents types de galaxies. Parce que chez nous, par exemple, dans la Voie lactée, notre trou noir, il est très très calme. Ça y est, c'est fait. Il est très très calme. C'est derrière nous. Et peut-être qu'il va croître encore parce qu'il est tout petit. Il fait 4 millions de masses solaires. C'est parmi les plus petits trous noirs supermassifs. Donc, il pourrait croître encore. Donc, il pourrait peut-être dans 1000 ans, dans 10 000 ans. Hein, c'est des échelles courtes. Quand on est trop proche d'un trou noir, on a des périodes de rotation qui sont très courtes. Et donc, il pourrait très bien accréter un peu de masse et devenir actif. Donc ça, c'est pas exclu, elle n'est pas terminée. mais c'est pas exclu, mais ce sera pas de notre vivant à nous. Ce sera pas un quasar, non. Non, ce sera pas pour nous. mais vous vous intéressez surtout aux galaxies de Seyfert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, les galaxies de Seyfert, c'est en quelque sorte des petits quasars. C'est un noyau actif, mais qui n'est pas tellement violent que la luminosité du noyau est supérieure à la luminosité, pardon, excusez-moi, de la galaxie tout entière. Donc c'est une petite galaxie active et il y en a beaucoup. Parce que les quasars, c'est rare, c'est très lumineux, mais c'est très rare. Donc là, les galaxies Seyfert, il y en a la moitié des galaxies qui nous entourent sont des galaxies Seyfert. Donc le noyau est encore en train d'accréter de la masse et on voit l'activité, c'est-à-dire on voit le rejet de masse, etc. Donc ça nous permet d'étudier tous les phénomènes. Alors d'abord, le gros problème, c'est pourquoi le gaz qui tourne autour, il peut tomber un jour parce que quand même, il a de la rotation, il faut échapper à la rotation. Et puis, il tourne à des vitesses relativistes, hein, c'est-à-dire que plus on s'approche du trou noir, au début, c'est quelques années-lumière autour. À ce moment-là, il tourne, excusez-moi, il tourne 10 000 ans la période, et puis ensuite 10-100 000 ans. C'est quand même très court par rapport au Soleil qui tourne en 200 millions d'années. Donc on est tout près, on tourne, mais on ne tombe pas si on ne perd pas de la rotation. Donc on aimerait savoir comment il perd cette rotation et ensuite, en effet, lorsqu'il s'approche, alors il va devenir ionisé et lorsqu'il tourne, il va être relativiste. Alors, dans le centre de la galaxie, il tourne en 30 minutes. Mmh. Dans Messier 87, là, il tourne en 2 mois. Tout sur le disque d'accrétion. Et ce disque d'accrétion, ça prend encore un certain temps à tomber. Il y a toujours la rotation, il faut l'évacuer. Mmh. Par exemple, la Terre tourne autour du Soleil, elle en tournera encore dans les milliards d'années. Alors, François Ascombe, pour conclure, on a demandé à une voix qui devrait vous être familière une petite question. Mais vous allez voir, plus qu'une question, je crois que c'est plutôt un souvenir que cette personne avait envie de partager. Chère Françoise, te souviens-tu de nos longues semaines d'observation à l'IRAM en Espagne ? Je me rappelle la façon dont tu optimisais tes bagages. Tu allais même jusqu'à découper les marges des articles scientifiques. Je me rappelle aussi que quand on se partageait la journée et la nuit d'observation, tu m'as sauvé bien des fois en acceptant de prendre l'horaire le plus horrible, celui qui commence à 2h du matin. Merci Françoise. Voilà, vous avez reconnu la voix de Fabienne Casoli. Oui, oui, Fabienne. Une de mes premières étudiantes, qui est maintenant présidente de l'Observatoire de Paris. Et qui, en effet, venait observer, parce qu'autrefois, on allait observer sur les télescopes. Ce n'est plus le cas, on observe à distance. Mais c'est vrai que ça fait une partie de l'histoire. Et c'était très plaisant d'observer là-bas, toutes heures. C'était une vie un peu extraordinaire. Et vous preniez toujours, donc, les horaires les plus compliquées. Mais c'était pour gagner du temps. Sinon, on perdait une journée ou deux si on prenait des horaires normaux. Donc ça vous posait pas de problème de mettre le réveil à 1h du matin et d'aller passer non, la non. nuit Non, en fait, lorsqu'on observe en radioastronomie, on observe jour et nuit. Oui, bien 24 sûr. 24 heures sur 24, donc on pouvait très bien observer toute la nuit. Donc de toute façon, on aurait été obligé d'être décalé. Donc pourquoi pas voyager décalé déjà. La suite, pour conclure, François Ascombe, après maintenant avoir travaillé sur ALMA, les prochaines perspectives d'augmentation ou de précision de l'instrumentation, notamment je pense à Euclide, le futur télescope. Oui, oui, alors le Euclide va sans doute être lancé en 2022, on l'espère bien, et va faire un progrès énorme. Il a été conçu pour regarder un grand nombre de galaxies, 12 milliards de galaxies. Parce que contrairement à Hubble, c'est un télescope dans l'espace qui va regarder les mêmes longueurs d'onde que Hubble, mais il va être à très grand champ, alors que Hubble avait juste un degré de champ, même quelques minutes. Il fallait faire une mosaïque pour avoir un degré. Donc là, on aura 15 000 degrés carrés, donc presque tout le ciel, et on pourra regarder au moins 12 milliards de galaxies en fonction de leur décalage vers le rouge, donc de leur distance. Donc on pourra, avec grande précision statistique, savoir quelle est la loi de l'expansion de l'univers en fonction du temps. Pour l'instant, on sait qu'elle est accélérée grâce à une énergie noire. Mais on ne sait pas, on le sait à partir d'aujourd'hui, mais on ne sait pas autrefois à quel taux elle était accélérée. Donc ça nous permettra de mieux connaître la nature de cette énergie noire, si c'est une constante cosmologique ou bien quelque chose qui varie. Un dernier mot, François Ascombe. Qu'est-ce qui vous donne encore le vertige aujourd'hui quand vous êtes au télescope ou que vous observez, même à distance et même si ce sont des ondes millimétriques, l'espace? Est-ce qu'il y a encore des choses qui... Il y a énormément, énormément. On a beaucoup appris ces dernières années. On a vu d'ailleurs le nombre de prix Nobel en astrophysique est beaucoup plus grand que celui des autres secteurs de physique dans ces dernières années. Et donc on voit que les progrès en astrophysique sont fantastiques. Et il y en a encore, en fait, on s'aperçoit qu'on connaît très peu de choses, puisque la matière ordinaire, ce n'est que 5% du total. Donc c'est peut-être ça le vertige, est-ce qu'on va le découvrir? Est-ce qu'il y a vraiment de la matière? Est-ce qu'il faut changer les lois de la gravité? Tout ça, on est vraiment dans le brouillard. Donc c'est là qu'est le vertige. Et puis ce qui se passe avant le Big Bang, on a des théories comme l'inflation, ou l'univers... Avant, c'est-à-dire au tout début, puisqu'il n'y a pas avant le Big Bang. Début, tout début, dans les 10 moins 30 secondes, quoi. Dans le temps de Planck. Donc on suppose, c'est la meilleure théorie pour l'instant, que l'univers a gonflé de 30 ordres de grandeur en si peu de temps. Donc ça, c'est un vertige, en quelque sorte. Et bien, merci d'avoir partagé avec nous vos vertiges et puis votre carrière. C'est un plaisir de vous avoir, François Ascombe. Vos cours au Collège de France sont consultables en ligne. Vos cours de master en astrophysique, on peut les consulter également sur votre page personnelle sur Internet. D'ailleurs, on vous a mis ces liens sur notre fil Twitter @lamethodefc. On peut également vous lire. Ce serait long de faire toutes vos bibliographies. Les derniers, vous avez signé un Que sais-je sur le Big Bang récemment. La matière noire clé de l'univers, c'est chez Vuibert. Bref, on va mettre toutes les références sur notre notre site et sur franceculture.fr. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous pourrez voir les idées claires qui sont liées à la question des gènes néandertaliens qui nous rendraient plus sensibles au Covid. Et demain, bien table ronde actu, on parlera du microbiote encore. Et oui, il y a des choses que vous ne savez pas encore. On évoquera une nouvelle approche du paradoxe de Fermi. Et ne ratez pas le détail des prix Ig Nobel par Marion Montaigne. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.